Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Michel Navratil, l'orphelin du Titanic. À quoi ressemble la vie quand à 4 ans on réchappe d'un naufrage? Qu'est-ce qui prime? La douleur de voir s'engloutir dans les flots ses proches et avec eux toutes ses certitudes? Ou au contraire, un appétit plus aigu pour saisir le bonheur quand il passe? Ces questions et bien d'autres, Michel Navratil a dû plus tard se les poser. Lui, qui à 4 ans avec son petit frère, fit partie des 700 rescapés du naufrage du Titanic le 15 avril 1912. L'avenir s'annonçait radieux pourtant quand 4 jours plus tôt, le paquebot flambant neuf avait quitté l'Angleterre, cap sur New York. Un navire de luxe, ultra moderne, ultra rapide, garantie insubmersible. Un symbole aussi de cette époque, d'avant la Première Guerre mondiale, confiante dans la toute-puissance de la technique et du progrès, jusqu'à ce qu'un iceberg et un enchaînement d'erreurs humaines viennent fracasser le rêve. Le père de Michel Navratil, comme les centaines de migrants de troisième classe, croyait en sa bonne étoile. Ses enfants sous le bras, il partait tenter sa chance en Amérique, en laissant derrière lui quelques réalités encombrantes. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Gérard Piouffre, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialisé dans la marine et dans l'aviation, avec une passion en particulier pour l'histoire des grands navires. Alors pourquoi le Titanic tient-il dans cette histoire une place à part? Alors, il tient une place à part parce que c'était le plus grand, le plus beau des paquebots jamais construits. Bon, on a fait plus grand, mais je ne suis pas sûr qu'on ait fait plus beau. Et pourquoi était-il si beau? Parce que l'Atlantique, c'était vraiment la ligne de prestige par excellence. Et chaque paquebot qui traversait l'Atlantique, il y avait une concurrence énorme entre les compagnies britanniques, américaines. Il y avait des compagnies américaines qui n'étaient pas officiellement américaines, mais qui l'étaient par des cascades de sociétés écrans, ce qui était le cas du Titanic. Et vous aviez des compagnies britanniques, bien sûr, la plus emblématique étant la Cunard, mais la White Star était considérée partout comme une compagnie britannique, alors qu'elle ne l'était pas réellement. Elle était sous la coupe du milliardaire américain Pierpont Morgan, qui lui avait trouvé cette astuce pour avoir sa propre compagnie maritime. Donc l'Atlantique Nord était un marché extrêmement juteux à l'époque pour les compagnies maritimes. Pour quelles raisons? Parce qu'il y avait beaucoup de relations entre l'Europe et les États-Unis et tous ces migrants aussi à la fin du 19e et au début du 20e qui partaient tenter leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, alors vous avez une immigration qui est énorme. L'Europe à cette époque, depuis la fin du 19e siècle, l'Europe a trop de bouches à nourrir. Et en revanche, l'Amérique manque de bras. Donc vous avez énormément d'émigrants qui traversent l'Atlantique pour s'établir aux États-Unis. 1907 ayant été l'année record. Et ensuite, bon, ça stagne un peu aux États-Unis. Les États-Unis prennent des mesures très protectionnistes. Mais au moment où les portes des États-Unis commencent à s'entrebâiller, se refermer, le Canada ouvre grande les siennes. Donc, il y a encore de très beaux jours pour l'immigration. Alors, quant aux premières classes, les premières classes, c'était les people de l'époque. En général, ils avaient été faire du tourisme en Égypte. C'était la destination à la mode. Et puis, quand ils revenaient, bon, ils revenaient par le plus grand, le plus beau bateau qui existait. C'est un peu le palace des mers. Ah, c'est tout à fait c'est calqué sur les palaces de la Côte d'Azur et les palaces qu'on trouvait en Europe et aux États-Unis. Les deuxièmes classes, c'était des gens relativement fortunés. Là, on a affaire à des gens qui sont fonctionnaires, militaires, commerçants et qui veulent voyager confortablement, mais qui n'ont pas envie d'occuper le devant de la scène. Et les troisièmes classes, alors? Alors, les troisièmes classes, ce sont principalement, dans leur majorité, des immigrants. Alors, ils sont installés à l'arrière pour partie. Les célibataires, les hommes célibataires sont à l'avant. Les familles sont à l'arrière. Tout ça, c'est cloisonné. Les Américains considèrent que la pauvreté et la maladie vont de pair. À partir de là, il n'est pas question que tout le monde se mélange. Donc, les compagnies britanniques, pour ne pas avoir d'ennui, bah, qu'est-ce qu'elles font ? Elles disent qu'il y aura un cloisonnement par classe. Vous ne pouvez pas passer de première en deuxième, de deuxième en troisième, et vice-versa. Est-ce que cette ségrégation, si on peut dire, sociale dans le Titanic aura des conséquences au moment du naufrage ? Alors bien sûr, ça aura des conséquences au moment du naufrage, dans la mesure où beaucoup de gens, beaucoup des passagers de troisième classe ne sauront pas par où aller et vont se heurter à des portes cadenassées. Il n'y a pas de grille à bord du Titanic, c'est une idée reçue, mais il y a des portes cadenassées. Et vous aurez quand même des possibilités de les franchir. Vous aurez des stewards de troisième classe qui seront des hommes courageux, grâce à qui, auxquels beaucoup de passagers de troisième classe auront la vie sauve. Merci Gérard Piouffre. Bien sûr, nous reprendrons cette discussion dans environ 30 minutes. Tout de suite, Michel Navrati, L'orphelin du Titanic, un texte de Renaud Meyer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Michel Sidorov. Monsieur Navratil ? Lui-même. Bonjour. Pardon de vous déranger chez vous. J'ai appelé plusieurs fois au téléphone, mais je n'ai jamais eu de réponse. Alors je me suis dit... Hélène Laroche, journaliste à Nice Matin. J'aurais souhaité réaliser un entretien avec vous. Je suis très touché, mais je n'ai plus la tête à ça, mademoiselle. Je ne suis plus professeur à la faculté depuis des années. J'ai arrêté la philosophie. Allez plutôt interroger des enseignants encore en activité. Mon interview n'a rien à voir avec la philosophie. J'aurais voulu parler avec vous du Titanic. Du Titanic ? De vos souvenirs. Vous êtes le dernier survivant français. Vous êtes un peu, comment dire, une célébrité. Les journalistes nous ont déjà fait le coup à l'époque. À mon frère et moi. Qu'est-ce que les gens racontent ? J'avais 4 ans. Nous pourrions essayer de faire remonter les souvenirs, ensemble. Non, c'est impossible et je n'ai pas envie. C'est loin, c'est du passé. Je n'ai jamais voulu parler aux journalistes. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. C'est que je pensais qu'une découverte comme celle-là, c'était l'occasion d'évoquer... Quelle découverte ? Montpellier, juillet 1986. Michel Navratil, 78 ans, professeur de philosophie à la retraite, a fait partie, avec son frère cadet Edmond, des quelques 700 rescapés du naufrage du Titanic, le célèbre paquebot qui a sombré le 15 avril 1912 au large de Terre-Neuve dans l'Atlantique, faisant plus de 1500 victimes, parmi lesquelles le père de Michel Navratil. Plus de 70 ans après, la jeune journaliste lui apprend que l'on vient de retrouver l'épave du Titanic. C'est un scientifique maritime américain, Robert Ballard, qui après plusieurs années de recherche en mer, a fini par localiser l'épave. L'avant est intact, couvert de rouille et de végétation sous-marine. Durant l'été 1986, une campagne s'organise afin de déterminer les raisons exactes du naufrage. La presse s'empare de l'affaire et l'on se passionne à nouveau pour les derniers survivants du Titanic. Michel Navratil, surnommé Lolo, revient au cœur de l'actualité. Ils ont retrouvé l'épave ? À 4000 mètres au fond de l'océan. On est certain qu'il s'agit du Titanic ? J'ai des photos, je vais vous montrer. Non, je ne veux pas les voir. Pas tout de suite, en tout cas, je ne suis pas prêt. Vous vous rendez compte ? Mon père a été emporté par cette tragédie. Il avait 32 ans. Mon frère Edmond a survécu comme moi au naufrage, mais il est mort depuis, en 1953. Ma mère aussi est partie, il y a 10 ans. Je suis le seul encore de ce monde, alors vous parlez de cette histoire... C'est douloureux pour vous, je comprends. Oh, la douleur. Je l'ai déjà ressentie jusqu'à plus soif. Cette mort qui nous a arrachés brutalement, notre père et tous ces gens autour de nous. La mort a décidé très tôt de mon destin. Mon intérêt pour la philosophie n'y est certainement pas étranger. Je ne sais pas quoi vous dire. J'avais 4 ans, c'est petit, tout petit. 1912 vous a rendu célèbre. Si vous le dites. J'ai retrouvé des photos de vous et de votre frère en une du New York Herald. On vous avait surnommé les orphelins du Titanic. À ma fille Elisabeth, j'ai raconté cette histoire. Mais à vous... Quel souvenir gardez-vous de votre père ? Sa voix. Oui, la voix de mon père. Je l'entends encore. Devant ce bateau, immense comme une ville, et nous, si petits devant. Ce bateau, c'était l'espoir, la liberté, la vie nouvelle pour mon père. Michel Navratil s'appelait, comme moi. Son grand-père aussi s'appelait Michel Navratil. C'est drôle, non? Une tradition slovaque. Et pourquoi entreprendre ce voyage? C'était sa façon d'échapper à la fatalité. Il a toujours été comme ça. À 15 ans, il avait quitté Vienne, sa famille et son apprentissage pour partir en France à pied. C'était un impulsif, pour le meilleur et pour le pire. Et il a profité des vacances de Pâques pour enlever ses deux enfants à son ex-femme. Pardon? Nous enlever. Vous avez bien entendu, s'exiler en Amérique pour refaire sa vie et devenir le grand couturier qu'il rêvait d'être. Avec moi et mon frère, pour futur associé. Associé. Mon frère avait 2 ans. Ah, c'était tout mon père, ça. Il vous a enlevé. À l'époque, un père qui enlève ses enfants, c'était pas courant. Sûrement, il ne se voyait pas vivre sans nous. On était la prunelle de ses yeux. Je n'ai jamais compris sa décision. Il avait tout préparé dans sa colère et sa jalousie. Je me souviens d'une scène. C'était dans une maison, pas la nôtre. Une maison que je ne connaissais pas. On jouait, mon frère et moi, après le déjeuner. Mon père et un de ses amis discutaient. Je te le demande comme un service, Louis. Il me faut juste ton passeport. On embarque dans 2 jours sur le Titanic. Le nouveau paquebot, pourquoi celui-là? C'est le premier à partir. Mon passeport, c'est grave. Louis, tu m'as toujours soutenu. On a tout fait ensemble, non? On a fait de notre boutique un lieu à la mode. Le Tunis venait s'y habiller. L'élégance, c'était nous. Lafayette aussi, c'était nous. Enfin, plutôt toi que nous. Tu as déserté le magasin, tu m'as laissé tomber. C'est la faute de Marcel. Si elle ne m'avait pas quitté, j'aurais su tenir la boutique. Allez, ton passeport, Louis, s'il te plaît. On ne donne pas son passeport, enfin. Prêté, Louis. Juste prêté. Dès que j'arrive à Chicago, je te le renvoie par la poste. Je te le jure. On va bien s'apercevoir sur le Titanic que tu n'es pas Louis Hoffman. On ne verra rien du tout. Je n'embarque pas à Cherbourg avec les autres Français, mais à Southampton. La majorité des passagers qui embarquent là-bas sont des Américains, des milliardaires, des gens au-dessus de tout soupçon. Ils voyagent en première classe avec des domestiques, infirmières, dames de compagnie et tout le tralala. On ne va même pas me contrôler. Et les enfants? Les enfants, ils voyagent sans passeport. Je dirais que leur mère doit nous rejoindre plus tard en Amérique. Michel, tu es fou. On ne vole pas des enfants à leur mère. C'est pour te venger, c'est ça? C'est Henri le responsable. On ne prend pas la femme de son meilleur ami. C'est moi le responsable. J'ai toujours empêché Marcel de chanter. Elle rêvait d'être cantatrice. Elle ne vivait que pour ça. Mais je ne supportais pas. Tu comprends? J'ai honte. J'ai même mis dehors son professeur de chant. Un jour, je l'ai surpris avec Marcel. Mais tu te trompais avec son professeur? Non, elle chantait simplement. Mais ça m'a rendu fou. Calme-toi, il n'y avait pas que ça. La justice lui a donné tous les torts. Mais pourquoi enlever les enfants? La justice a confié la garde de Lolo et Momon à l'oncle de Marcel, mais cet oncle s'est empressé de le lui rendre, et ça, je ne le supporte pas. Je pars avec mes enfants, Louis. Rien ne pourra m'arrêter. Réfléchis. Il est trop tard. À Monte-Carlo, j'ai acheté 3 billets pour le Titanic, et nos bagages nous précèdent déjà. Que feras-tu à Chicago? Je deviendrai un tailleur connu. Tu verras. Je serai le nouveau Paul Poiret. Oui, tu aurais pu le devenir ici. À Nice, tout marche de travers. En Amérique, tout est possible. Tu peux arriver les poches vides et en quelques mois devenir riche à millions. Je ferai fortune, je le sais. C'est de la folie. Ton passeport, s'il te plaît. Louis. Le 8 avril 1912, Michel Navratil réussit à emprunter le passeport de son ami Louis Hoffman et part à Londres avec Lolo et Momon. Là, il monte dans un train spécial pour Southampton, ville portuaire au sud de l'Angleterre. Les enfants, je vous présente le Titanic. Il est immense, aussi haut que plusieurs maisons. Comment il fait pour flotter? Magie. Il est trop lourd, il va couler. Jamais de la vie. Le Titanic est insubmersible, Lolo. Il ne peut pas couler. C'est le Shipbuilder Magazine qui l'a dit. Il peut flotter même si deux de ses compartiments sont inondés. Un bateau qui peut pas couler? C'est se moquer du bon Dieu. Au contraire, Dieu est fier que l'homme maîtrise la nature. 270 mètres de long, 46 000 tonnes, 10 000 ampoules pour l'éclairer. Il consomme autant d'électricité qu'une ville. Et pour nous nourrir durant le voyage, il cache dans son ventre 10 tonnes de légumes, 40 000 œufs, 600 pots de confiture, 2500 volailles et 4000 litres de lait. Il en faut des vaches pour tout ce lait. Il y a même une piscine chauffée, une salle de gymnastique, de l'eau chaude dans certaines cabines et des cendriers dans les salles de bain. Et puis le téléphone, plus de 50 lignes. On n'a jamais vu ça. Et ce palais flottant, c'est pour nous. Il n'y aura que nous trois. Il y aura nous et des gens très riches, immensément riches. Des milliardaires capables de payer une suite 6 000 $. Pas nous? Pas la peine. On se contentera d'une cabine de seconde classe. Tu vas voir, elle sera belle. Chacun aura son lit. Tout est en bois à l'intérieur. Et des hublots. On dominera l'océan. Et maman, elle vient quand? Je voudrais la voir. Elle va nous rejoindre, maman, quand nous serons là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Elle me manque. Elle me manque aussi. Surtout, Lolo, tu n'as pas oublié, sur le bateau, nous nous appelons... Hoffman, comme ton ami. Voilà, bravo. Pourquoi Hoffman? Parce que ça fait plus riche. Hoffman, ça fait riche. Mais ton ami, il est pas riche. Oui, mais ses cousins et ses parents sont très riches. Hoffman. D'accord, on s'appelle Hoffman. Monsieur Navratil? Allez, venez les enfants. Ça ne va pas? Je suis désolé, on va s'arrêter là. Remonter dans ce bateau encore une fois avec mon père, je crois que j'y arriverai et puis... Bien sûr, je comprends. Mais j'ai lu quelque part qu'au moment du départ, les hélices du Titanic étaient tellement puissantes qu'un autre bateau à quai, le New York, je crois, a été arraché à son amarrage. Qu'il s'est mis à dériver et à foncer en direction du Titanic. C'est exact? C'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, on a accéléré pour éviter la collision de justesse. C'était impressionnant. Et puis nous sommes partis, direction Cherbourg. J'avais gagné. Ah, me voilà à bord maintenant. Vous êtes malines, vous. Après une escale à Cherbourg pour accueillir les passagers français, le Titanic fait cap sur l'Irlande. À Queenstown, des centaines d'émigrants gagnent les troisième classes. En ce début du siècle, dans le contexte de la guerre commerciale qui fait rage entre les compagnies allemandes et anglaises, la White Star a décidé de construire trois immenses navires, l'Olympique, le Gigantic et le Titanic. Symbole de la technologie, le Titanic doit surpasser les autres joyaux de la compagnie anglaise, être plus luxueux, embarquer plus de passagers, aller plus vite. Le 11 avril 1912, au soir, le Titanic entame sa traversée de l'Atlantique. Très vite, Bruce Ismay, le patron de la White Star, presse le capitaine Smith d'augmenter la vitesse du navire. Il faut arriver à New York avec une journée d'avance. À bord, l'insouciance et l'optimisme règnent. Si les troisième classes sont interdites de pont supérieur, la pauvreté étant synonyme de maladie, les premières classes sont à la fête. Tout est prévu pour les divertir. La première classe, il fallait qu'on aille voir. La tentation était trop forte. Le jeu surtout, c'était de ne pas se faire prendre, ne pas se faire remarquer, éviter de croiser une personne qui aurait pu reconnaître mon père. On devait passer par le fumoir des secondes classes et puis, hop, direction le restaurant à la carte. Et là, c'était le paradis. C'est beau! Oui, sûrement le plus beau restaurant du monde. Plus somptueux que le Ritz à Paris. On va manger là? C'est complet. Il fallait réserver. Tout le monde veut dîner là. Le chef est français, les serveurs sont français. Un autre jour, Lolo. C'est tellement beau. Tout est rose ici. Il y a même des trônes de rois. C'est vrai. Louis XVI, c'est le style des rois. Et les musiciens, ils jouent vraiment? Quand on est monté sur le bateau, tu te souviens? C'était eux qui jouaient. Mais au restaurant des premières classes, ils jouent à la demande. Ils ont une liste avec des centaines de titres. Tu choisis, ils jouent. Puccini, Tchaïkovski, Offenbach, ce que tu veux. Le monsieur et la dame là-bas, ils sont assis et ils mangent. Ils ont réservé? Oui, enfin eux, ils ont leur table attitrée. C'est le chef du bateau? Non, c'est John Jacob Astor IV. C'est un roi! En quelque sorte. Il n'a pas l'air, il n'est pas beau. J'ai entendu dire qu'il possède un hôtel de 1000 chambres à New York, 17 voitures, je crois, et un yacht rien que lui. Pourquoi il n'a pas pris? Son épouse préférait voyager sur un plus gros bateau. Elle est enceinte. Elle est jeune. On dirait sa fille. Chut, arrête. C'est sa nouvelle femme. L'autre est partie. On dit qu'il est un peu fou. Il écrit des romans de science-fiction. Il invente des trucs curieux, des machines pour faire des routes plus plates, pour faire de la pluie quand il n'y en a pas. C'est le roi des fous. Oui, mais il a sa table. Ça a l'air bon. Tu as raison, mon petit garçon. C'est certainement délicieux. À la carte ce soir, caviar, homard, caille de Égypte, œuf de vanneau, pêche fraîche et fraises. Des fraises en avril, au beau milieu de l'océan. C'est proprement extravagant, n'est-ce pas? Permettez, je me présente Margaret Hayes. Bonjour, madame. Quel charmant bonjour. Vous êtes français? Oui, bonsoir, madame. Louis Hoffman. J'adore les Français. Il y a tellement d'Américains sur le bateau et d'Américaines. Des pestes avec leurs chiens dans les bras et leurs maris qu'elles tiennent en laisse. Il y a peut-être aussi des gens bien, non? Il faut savoir chercher. Vous, je sens que vous êtes un homme très bien. Un bon papa. C'est votre fils? Oui, c'est Lolo. Il est adorable. Venez dîner avec nous. C'est-à-dire que je n'ai pas... Réservé. Aucune importance. Nous avons une table avec quelques amis. Ça nous ferait plaisir. Oh oui, papa! Le restaurant avec le roi! Il y a un roi parmi nous. Oh, les enfants imaginent des choses. Vous ne pouvez pas refuser. À notre table ce soir, il y aura... Lucille Duff Gordon avec son mari. Lucille fait la pluie et le beau temps dans les milieux de la mort. Ah, c'est intéressant. Et Dorothy Gibson, une star de cinématographie. Naturellement. Et puis nos amis Ida et Isadora Strauss. Les Strauss, ça veut dire quelque chose. Ils possèdent les magasins Macy's. Ils adorent la France. Ils passent l'hiver à Nice et au printemps, retournent en Amérique. Les Strauss, bien sûr... Vous connaissez les Strauss? Ils sont à bord? Ils sont montés à Cherbourg. Chère madame, c'est très aimable, mais nous ne pouvons pas dîner avec vous. Oh, papa! Je dois aller chercher mon plus jeune fils. Il a 2 ans, je l'ai confié à une amie et elle doit s'inquiéter. Ce bateau est tellement grand, on s'y perd. Et puis Lolo rêve de ses œufs au plat et de sa purée de pommes de terre dans de la vaisselle d'argent. Je veux des fraises. Tais-toi. Madame, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Nous nous croiserons certainement. Oui, croisons-nous au café parisien, si vous voulez. J'adore le pastis. Au revoir. Allez, viens, Lolo. Viens. Ida et Isidore Strauss, le couple qu'il ne fallait pas croiser. Tous les deux fréquentaient la boutique de mon père avec assiduité. Il l'aurait reconnu immédiatement avec son accent et ses petites moustaches frisées au fer qui lui remontaient vers les pommettes comme 2 cornes. Son identité aurait été dévoilée et notre enlèvement découvert. Mon père a décidé de ne plus quitter la seconde classe et de sortir de sa cabine le moins possible. Il vous a enfermé durant toute la traversée? Mais non, bien sûr que non. Nous avions droit à notre petite sortie sur le pont promenade, mais cela devait rester discret. Le steward avait la confiance de mon père. nous surveillait pendant que nous jouions avec mon frère. Il faisait bon sur le pont. Les gens étaient allongés sur des chaises longues, à bavarder, à regarder l'océan. C'était un moment... Hors du temps. Oui. Presque magique. Et puis le 14 avril, c'était un dimanche, je crois, le temps a commencé à se rafraîchir. On approchait de Terre-Neuve. Le vent est devenu glacial, emportant les chapeaux des promeneurs. Les gens ont déserté le pont. Le 14 avril au soir, tout semble calme à bord du Titanic. Le dîner de gala des premières classes, étalant robe du soir et rivière de diamants, a été un succès. Quelques couches tard traînent devant un dernier brandy, tandis que les troisièmes classes organisent une chasse aux rats. Soudain, à 23h30, les vigies, depuis leur nid de pie, aperçoivent à l'horizon une masse de glace. Le Titanic a pourtant reçu 8 télégrammes l'alarmant de la présence d'iceberg. L'officier de garde fait immédiatement machine arrière. Mais le Titanic ne peut éviter l'iceberg qui déchire la coque. En quelques minutes, l'eau envahit les compartiments prétendument étanches du Titanic, ce paquebot dit insubmersible. Le capitaine Smith comprend très vite que le navire est perdu. Il ordonne l'envoi du signal de détresse et la préparation des canots. Les stewards sont chargés de réunir les passagers sur le pont avec leurs gilets de sauvetage. On fait croire alors à un simple exercice. Certains passagers, encore en smoking, d'autres en chemise de nuit couvertes de manteaux de fourrure, demeurent confiants et sereins. À 0h25, le capitaine commande d'embarquer les femmes et les enfants dans les canots, tandis que l'orchestre se met à jouer sur le pont pour apaiser les esprits. Les gens ne croyaient pas au naufrage. Il a fallu l'envoi des premières fusées et le sifflement des sirènes pour que les gens commencent à comprendre. L'eau a envahi la proue. Les troisièmes classes se sont ruées sur le pont et l'évacuation s'est accélérée. Au début, les canots partaient presque à vide, certaines femmes refusant d'embarquer. Mais une heure plus tard, avec la panique, tout le monde voulait y monter. Tout ça, je l'ai appris bien plus tard. Moi, je dormais dans ma cabine quand mon père est venu me réveiller. Il devait être 1h30. Un homme qui était avec lui, un certain monsieur Malachar, a enveloppé mon petit frère, l'a pris dans ses bras et s'est précipité sur le pont des embarcations. On l'a suivi avec mon père et le steward. Mais Malachar s'est perdu dans la foule. Steward, vous ne voyez pas Malachar, le monsieur de Chepate Cinéma? Je lui ai confié mon fils Edmond. Est-il bon Dieu? On va le retrouver, dépêchez-vous. Passez votre gilet. Toi aussi, mon garçon. Il faut mettre votre fils dans le cadre. C'est le dernier canot. Tu vas monter avec la dame, mon garçon. Elle va s'occuper de toi. Et il n'y a pas d'autre canot? Le Titanic ne contient que 20 canots, monsieur. Et Edmond, il faut retrouver mon fils, le petit. Il n'a que 2 ans. Où est Malachar, mon Dieu? C'est le dernier canot, monsieur. Enfin, allez! Maman! Voyez-moi! Où? Là-bas, maman! Faites la première cheminée dans les bras de Malachar! Son canot D! C'est un égalard! Un canot pliable, pourvu qu'il reste de la place! Malachar! Malachar, par ici! Oui! Oui, merci! Mon! Enfin, me voilà! Cherchez partout! Pour descendre les enfants dans le canot! L'eau pour moi et papa! Vite! C'est leur dernière chance! L'eau est en train de tout envahir! Oh mon Dieu! Allez, monsieur Hoffman, dites au revoir à vos enfants! Le canot descend, allez! Madame, prenez mon fils! Au revoir, Momon! Papa t'aime! Viens là, Lolo! Viens! Allez! Papa, je veux pas! Je veux rester avec toi! Allez, saute, Lolo! Ne t'inquiète pas! Je prendrai un autre canon! Vas-y! Lolo! Tu diras à maman que je l'aime! Que je regrette ce que j'ai fait! Tu n'oublieras pas? Et dis-lui que je lui aurais demandé de nous rejoindre à New York! Je t'aime! Prends soin de Momon! Mon Dieu, cette voix qui résonne dans la nuit, Je me suis retrouvé dans le canot D avec mon petit frère. Ces femmes désespérées, entourées d'une eau noire et glacée. J'imaginais mon père encore à bord et ma mère à des milliers de kilomètres. J'étais seul au monde. Vous avez vu couler le Titanic ? C'était terrible et magnifique en même temps. Les lumières brillaient dans toutes les cabines. Sur les ponts, on aurait dit un verre luisant. On n'entendait que l'orchestre qui continuait à jouer. L'avant a coulé en premier à cause des compartiments remplis d'eau. Puis l'arrière s'est soulevé. Les passagers regroupés sur les ponts ressemblaient à des nids d'abeilles. Les lumières se sont éteintes, les unes après les autres. On a entendu un bruit effroyable comme un orage. Et puis, d'un seul coup, le Titanic a sombré. Et ensuite ? Ensuite, le silence qui dure et dure encore. J'ai cru que la Terre s'était arrêtée de tourner. On ne peut pas voir la vie de la même façon après ça, je suppose. Découvrir la mort si petit et si brutalement. Mais après ça, je n'ai jamais craint la mort, bien au contraire. C'est peut-être très amusant de l'autre côté. Vous ne croyez pas ? Dans les canots, il y a près de 700 rescapés du naufrage, parmi lesquels plus d'hommes de première classe que d'enfants de troisième classe. Les passagers munis de gilets qui ont plongé dans une eau à moins 2 degrés survivent rarement plus de 20 minutes. Leurs cris résonnent dans la nuit, tandis que les canots s'éloignent, leurs passagers craignant que ces survivants ne tentent de monter et fassent chavirer les embarcations. Alors qu'il avance dans la nuit glacée, alors que des cadavres flottants viennent frapper sa coque, le canot D prend l'eau peu à peu. Lolo et Momon sont alors accueillis à bord du canot numéro 7. Mon Dieu, mais je te reconnais. Tu es le petit garçon français. Je t'ai vu l'autre jour sur le pont, devant le restaurant. Tu voulais des fraises et tu parlais d'un roi. Mon papa, il est avec vous ? Non, mon petit garçon, il n'est pas là. Il est où ? Dans une autre chaloupe, sûrement. Tu es seul ? Non, il y a mon petit frère avec moi là, c'est Momon. Quel âge a-t-il ? 2 ans. Et toi ? 4 ans. Il fait froid, viens là. Tes cheveux sont couverts de givre. Vous avez froid, vous aussi ? Mes pieds sont glacés. J'ai ramé tout à l'heure pour me réchauffer, mais j'ai dû céder ma place à mon amie Dorothy Gibson. Chacun son tour. C'est à vous, le chien ? Il te plaît ? Mm. C'est un loulou de Pomeranie. Il n'est pas resté sur le bateau. Il a de la chance. Je ne serai jamais partie sans lui. Madame White, cessez de brandir votre canne et votre torche électrique. C'est assommant. Il n'y a aucun navire à l'horizon. Ça ne sert à rien. C'est une aurore boréale que vous voyez. Vous avez déjà brûlé des journaux, des lettres et même le chapeau de Monsieur Javret. Ça suffit. On va rester longtemps sur la barque. Les secours sont en route. Dès qu'il fera jour, nous serons à bord d'un grand bateau, bien au chaud. Et mon papa, il sera sur le grand bateau ? Certainement. Et ta maman, où est-elle ? Elle était avec vous sur le Titanic ? Non. Elle vous attend à New York ? Non, elle est restée en France. Comment s'appelle ta maman ? Maman sœur. C'est ta sœur ? Non, mais elle est belle, elle est jeune. Elle est jeune comme vous. Et je l'aime comme une sœur. Et son prénom ? Maman sœur. D'accord. Et ton nom de famille ? Ton papa me l'a dit, mais je l'ai oublié. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Ce n'est pas grave. Vous avez passé le reste de la nuit dans les bras de Margaret Hayes ? Je me suis endormi. Et j'y suis resté. Je devais m'y sentir bien. Au petit matin, j'ai découvert une mer parsemée d'icebergs, hauts comme des immeubles, à perte de vue, brillant dans le soleil. Et au milieu de ce spectacle magistral, nous avons aperçu le Carpathia. Je pensais que mon père était à bord. On a retrouvé son corps ? Plus tard, j'ai appris qu'on avait retrouvé son corps flottant, avec sur lui un passeport au nom de Louis Hoffman et un pistolet. Il ne l'avait pas utilisé. Vous êtes resté avec Margaret Hayes ? Elle nous a accueillis chez elle, avec mon nom. Comme je ne connaissais pas mon nom de famille, que mon père voyageait sous l'identité d'un autre, personne ne venait nous réclamer. Ma mère n'avait aucune idée de l'endroit où nous étions. Elle était à 100 lieues de penser qu'on était parti sur le Titanic. Une photo de vous et de votre frère est parue dans les journaux. Mais votre mère ne venait pas vous réclamer ? Elle ne lisait sans doute pas le New York Herald. Pourtant, on était devenus des célébrités. Aux États-Unis, maman et moi étions devenus les orphelins du Titanic. Regarde, Lolo. Toutes ces lettres que vous avez reçues. Des dizaines de demandes d'adoption. Des dons d'argent. Il y a même un monsieur Hoffman qui veut vous accueillir chez lui parce qu'il pense que toi et maman, vous êtes ses cousins. Papa et maman, ils nous aiment plus. On va rester avec vous. Pour le moment. Mais maman va venir. Quand as-tu vu maman pour la dernière fois? Le jour avant Pâques. Et elle t'a donné quelque chose ce jour-là? Oui, un gros œuf en chocolat avec des vraies plumes dessus collées et des poussins d'un gros œuf. Ça, c'est un cadeau de Pâques. Et si tu t'en souviens, ta maman aussi, sûrement. Je vais te présenter à un monsieur très gentil. Il fait un beau métier, consul général. Ce monsieur a eu une dame au téléphone, elle habite en France, à Nice. Elle a lu dans un journal là-bas que deux enfants, Lolo et Maman, attendaient leurs parents en Amérique. Cette dame pense qu'elle est ta maman. Elle s'appelle Marcel. Pas maman sœur ? Peut-être. Mais elle ne l'a pas dit au consul. Si cette dame est ta maman, elle se souviendra sûrement de l'œuf qu'elle t'a offert pour Pâques et de ce qu'il y avait dedans. C'était votre mère ? Bien entendu. Mais on ne lui a pas rendu ses enfants comme ça. Il y a eu 15 jours d'identification et d'enquête afin de déterminer si Marcel Navratil était vraiment notre mère. C'est incroyable. C'est que toutes les femmes du monde voulaient devenir notre mère. Qu'est-ce qui a fait la différence avec les millions de prétendantes ? L'œuf. Le gros œuf en chocolat couvert de vraies plumes avec des poussins à l'intérieur. Ma mère en a donné une description exacte, et moi aussi. Naturellement, quand elle nous a rejoints en Amérique, 3 semaines plus tard, nous lui avons sauté dans les bras. Et il était évident pour tout le monde que nous étions ses enfants. Voilà, jeune fille, le Titanic et ses orphelins vous ont livré tous leurs secrets. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Tant mieux. Vous êtes certain que le Titanic a livré tous ses secrets ? 10 ans plus tard, en août 1996, à l'issue d'une longue procédure judiciaire, le chercheur américain George Tulloch obtient la propriété de l'épave du Titanic. Il décide alors d'organiser de nouvelles plongées sous-marines avec une équipe française. Les derniers survivants sont invités à participer à l'expédition, dont Michel Navratil, dit Lolo, âgé maintenant de 88 ans. Depuis 1986, les différentes expéditions avaient rapporté et restauré des centaines de débris, assiettes, lettres, valises, flacons de parfums. Cette fois, Tulloch veut remonter un morceau de la coque, dont le poids est estimé à 15 tonnes. Mais l'opération est un échec, et le morceau d'épave rejoint le fond, condamnant le Titanic à demeurer un cimetière marin. Avant de repartir pour la France, Michel Navratil se rend pour la première fois à Halifax, au Canada, dans le cimetière où sont enterrés la plupart des naufragés du Titanic. Il peut enfin se recueillir sur la tombe de son père. C'est étrange de se retrouver là, après toutes ces années. Tu as laissé un enfant de 4 ans et c'est un vieil homme qui vient te voir. J'ai mis du temps, ça n'a pas été simple. Bien sûr, je t'en ai voulu de nous avoir entraînés dans ta folie, de nous avoir volés à notre mère, d'avoir fait de nous des orphelins. Et puis, je suis devenu un homme. J'ai eu ton âge, j'ai eu des enfants, moi aussi. Le temps a passé. J'ai fini par devenir plus âgé que toi. Ah, un vieux philosophe. Je pourrais être ton grand-père, tu te rends compte? J'ai commencé à te pardonner et à pouvoir enfin parler de ce voyage sur le Titanic, de ce naufrage. Et enfin, à trouver le courage de venir jusqu'ici, dans ce cimetière canadien. J'ai tenu ma promesse, tu sais. J'ai dit à maman que tu l'aimais. Je crois que maintenant, je me sens un peu moins orphelin. Michel Navrati, l'orphelin du Titanic, de Renaud Meyer. La journaliste Géraldine Sazman, Lolo Navratil, André Oumanski, Michel Navratil, Miglen Mirtchev, Louis Hoffman, Alexandre Medvedev, Lolo Brigitte Lecordier, un Stuart Didier Merigou, Margaret Hayes, Chloé Baker, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Philippe Bredin et Pierre Henry, assistante à la réalisation Clémence Grosse, réalisation Michel Sidoroff. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur le Titanic et Michel Navratil avec mon invité, Gérard Piouffre. A rolling of thunder, wolves calling each other as the roses they cover in the black of the night. Passions extinguished in short whispered sentences. Bandaged from memory is the thought of yesterday. Now I look past my shoulder for the face of my mother. Did I see her smiling, or was it all a dream? No, I seem to recall the perfume of roses, the day they all hiding, the dewdrops are frozen. Half full, half blind, half awake girl. Half full, half blind, half awake world. Sending messages, sweet perfume of love just under our noses. I won't hold my horses, just leave what's above. Sweet labor of love, just surrender to the other. Half full, half blind, half awake girl. overdoses. The sweet vapor of love, just like a drug, it discloses. Awaken quiet senses. We'll write a new synopsis. The sweet liquor of love, you left to drop, to discover. Her Blossom Roses dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter, une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Léo Prangère. Michel Navratil donc est mort en 2001 à l'âge de 92 ans. Gérard Piouf, c'est un étrange destin quand même, hein, naufragé à 4 tout ans. Tout d'abord, je dois dire que votre reconstitution était très bien faite et très émouvante. Alors oui, c'est un très étrange destin, que ce destin des deux frères Navratil, deux petits garçons, de cette famille Navratil, qui était une famille décimée donc par ce naufrage. Il y en a d'autres, ils sont pas les seuls. Et ce qui est intéressant, il y avait plusieurs passagers du Titanic qui voyageaient sous de fausses identités pour diverses raisons. Aujourd'hui, ça serait pas possible avec les passeports biométrique, mais à l'époque, ça pouvait se faire. A-t-on une idée aujourd'hui, Gérard Piouf, du nombre de victimes qu'a fait le naufrage du Titanic ? Oui, environ 1500 victimes. D'accord, et donc 700 rescapés environ ? Entre 705 et 711 rescapés. Alors, dès l'annonce du naufrage, donc c'était le 15 avril 1912, on a cherché à connaître les causes et on n'a pas cessé d'y réfléchir, donc d'y enquêter depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement, Gérard Piouf ? Est-ce qu'il y a une cause ou bien un enchaînement de causes ? Tout accident est un enchaînement de plusieurs causes. C'est très rarement une seule cause qui mène à l'accident. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on avait une nuit sans nuages, mais également sans lune. Vous aviez pas de vent, vous aviez une mer d'huile, ce qui fait qu'il n'y avait pas de ressac. Le ressac, c'est ces petites vagues qui se forment à la base d'un obstacle, en l'occurrence d'un iceberg. Ce qui fait que les vigiles l'ont vu au dernier moment. Alors, ils l'ont vu trop tard pour l'éviter et trop tôt pour faire ce qu'il fallait. Oui. Est-ce qu'avant le départ, Gérard Piouf, est-ce qu'il y a eu des vis dans la construction ? Parce qu'on n'avait quand même pas lésiné sur les moyens pour le Titanic. Voilà, il a été... Non, c'est un bateau qui a été construit par l'un des meilleurs chantiers du monde, le chantier Harland & Wolff, qui se trouve en Irlande, du Nord, oui. À Belfast, et qui était vraiment, vraiment un chantier réputé. Justement réputé. Alors, on a dit que l'acier du Titanic était de mauvaise qualité. Alors, de mauvaise qualité par rapport à l'acier actuel. Ça, c'est évident. Mais à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux. On a aussi dit qu'il y avait eu un incendie dans le chantier à Belfast. Alors, c'est pas un incendie dans le chantier, c'est au moment des essais, juste à la fin des essais, il y a eu un incendie dans une soute du Titanic. Alors, pourquoi cet incendie ? Parce que il y avait eu une grève des mineurs de charbon. Et on avait dû faire flèche de tout bois, ramener du charbon des États-Unis. On avait un mélange, on savait pas trop de quoi c'était fait, et il y avait certainement des houilles pyriteuses qui déclenchent des combustions spontanées. Cela dit, ces incendies en soute à charbon, ça n'avait rien d'exceptionnel. Tous les ouvrages techniques de l'époque explique ce qui se passe et comment y remédier. Mais est-ce que dans la construction elle-même du Titanic, il n'y avait pas des vis de construction, justement ? Aucun vis de construction, c'était un bateau qui était parfait, autant qu'on pouvait faire des bateaux parfaits à l'époque. Alors, quelles sont les défaillances humaines, alors ? Alors déjà, les vigiles n'avaient pas de jumelles. Bon, on aurait pu gagner, allez, on va dire une poignée de secondes, si elles en avaient eu, vous repérez un obstacle à l'œil nu et vous l'identifiez avec des jumelles. Ça, si les vigies avaient eu des jumelles, ça aurait peut-être été bon. Pourquoi n'avaient-ils pas de jumelles ? Alors, ils n'en avaient pas parce qu'ils en avaient au départ. Il y a eu des mouvements de personnel et l'officier de quart qui débarquait a caché les jumelles dans un coffre de sa cabine et il a oublié de le préciser. Deuxième erreur, au moment où il est prévenu, l'officier de quart voit l'iceberg et il décide d'essayer de l'éviter. Pour essayer de l'éviter, il va stopper les machines. Or, Le Titanic a trois hélices, dont une hélice centrale qui génère un filet d'eau sur le gouvernail. Une fois stoppé, ou pratiquement à l'arrêt, eh bien, le gouvernail est moins efficace. Donc on a beaucoup de mal, il a beaucoup de mal à l'éviter, et tout le monde est à peu près d'accord que s'il l'avait percuté de plein fouet, le bateau aurait continué à flotter. On a beaucoup glosé aussi sur la manière dont se sont déroulées l'évacuation et le sauvetage. Est-ce qu'il y avait assez de canots de sauvetage ? On entend dans le récit qu'il y a seulement 20 canots pour combien 2000 oui, personnes alors, sur le bateau. Le Titanic, elle est au-delà de ce que les règlements prévoyaient. C'est la réglementation qui était totalement inadaptée, mais à l'époque, on considérait que ces bateaux étaient pratiquement insubmersibles. Et les journalistes ont ensuite dit il était insubmersible. Mais la compagnie a toujours dit il était pratiquement. Et les canots de sauvetage étaient en fait destinés à assurer la navette avec un autre bateau. On se disait sur l'Atlantique, ben, y a pas de problème. On a la radio, on risque pas d'avoir des gens qui restent longtemps dans les canots. Un de vos livres, Gérard Piouffre, s'appelle « Les femmes et les enfants d'abord », donc selon la formule qui veut que dans les naufrages, les premiers à monter dans les canots doivent être les femmes et les enfants. Pour Michel Navratil, lui, on a vu que c'était le cas. Est-ce que l'évacuation du Titanic s'est faite dans le calme ? Tout à fait. C'était vraiment les femmes et les enfants d'abord. Il y a eu quelques petits mouvements de panique, mais vite réprimés. Et d'une manière générale, alors les passagers, surtout les premières classes, ont été exemplaires. Mais quand je dis surtout les premières classes, je devrais pas dire ça parce que tous les passagers, à quelques rares exceptions, ont été exemplaires. Les lâches, ce sont quelques passagers, mais encore une fois très rares, qui se sont déguisés en femmes pour survivre. Et en se mettant un foulard sur la tête, vous arrivez à vous faire passer pour une femme. Mais c'est arrivé très rarement. Alors parmi les héros, c'est difficile de... J'ai vraiment pas le temps de vous les citer tous. Moi, pour moi, les héros dans l'équipage, on trouve les deux radios, qui sont restés vraiment jusqu'au tout dernier moment à envoyer d'abord des CQD, qui était le message de détresse, et puis ensuite le nouveau message de détresse, qui était le SOS. Malheureusement, l'un d'entre eux est mort, Jack Phillips est mort dans le naufrage. Harold Ride, lui, a survécu. Ils sont vraiment, à mes yeux, les deux héros. Ensuite, vous avez l'orchestre. L'orchestre. C'est vrai qu'il a joué jusqu'au dernier moment. L'orchestre a joué jusqu'au dernier moment. Est-ce qu'il a joué plus près de toi, mon Dieu? On n'en sait rien. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'ils ont joué vraiment jusqu'au dernier moment. Pour calmer les passagers. Pour calmer les passagers, pour éviter la panique. Et il y a une histoire qui est très triste. On a un Français parmi ces membres de l'orchestre. C'était le violoncelliste Roger Bricou. Et Roger Bricou, donc, est mort dans le naufrage. Mais les Américains ont oublié d'envoyer son acte de décès. Ce qui fait qu'au moment de la Grande Guerre, il a été convoqué, il a été mobilisé et il a été déclaré insoumis. Et ce n'est que très longtemps après, 80 ans après, qu'il a été réhabilité par le tribunal qui a déclaré qu'il était mort dans le naufrage du Titanic. Merci beaucoup Gérard Piouffre de nous avoir rappelé l'histoire toujours passionnante du Titanic. Vous êtes l'auteur entre autres de donc Les femmes et les enfants d'abord, Les grands naufrages de l'histoire chez First Edition et apparaître en mars 2018 Le Titanic vérités et légendes aux éditions Perrin. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, ce sera le réveillon de Noël et oui, l'occasion d'une soirée spéciale avec Laurence Garcia, Soro Solo et moi-même. Dans Autant n'importe l'histoire, je vous proposerai un Noël à l'anglaise en compagnie d'Agatha Christie avec l'adaptation de sa nouvelle Christmas Pudding. Vous y retrouverez le détective Hercule Poirot indémodable avec ses moustaches noir et son flair légendaire, en prise avec une étrange affaire de pierres précieuses qui va l'amener à passer Noël dans un manoir anglais. De l'humour, une vieille anglaise excentrique, un crime et bien sûr un Christmas pudding. Le Christmas pudding d'Hercule Poirot, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.